بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Donc on continue la lecture dans cette épître qui est علم الجرح والتعديل تعريفه تاريخه وثمراته, c'est-à-dire la science de la critique et de l'éloge, sa définition, son histoire et ses fruits. Une épître faite par le Cheikh Abu Abd al-A'la Khalid bin Mohammed bin Uthman al-Misri hafidhahullah, et qui a été préfacé par beaucoup de savants. Donc nous avons énuméré 6 savants qui ont recommandé donc la publication de cette épître. Très bien. Après cela, après ce qu'on a vu, donc le chapitre que le Cheikh nous a rapporté donc d'un livre de Al-Khatib Al-Baghdadi, il a dit il va aller jusqu'à notre époque. Et donc à notre époque, l'érudit savant Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, fut interrogé. Voici la question. Une piété froide s'est propagée parmi certains étudiants de sciences. Wara'un Bari. On va voir qu'est-ce que cela signifie. Lorsqu'ils entendent des conseillers parmi les étudiants et les savants mettre en garde contre les innovations, ces gens et ces styles, qu'ils mentionnent la réalité de leur statut, qu'ils le répliquent, et il se peut qu'ils dévoilent le nom de l'un d'entre eux, quoi qu'il soit mort, à cause de l'épreuve que les gens ont de lui, et ce, en vue de défendre cette religion, dénoncer les feinteurs et les intrus dans les rangs de la communauté visant la division, c'est-à-dire les intrus qui visent la division et la discorde. Ces jeunes étudiants, qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils prétendent donc que cela relève de la médisance interdite. Que dites-vous de cette question? Voyez la question? Que lorsque des talibat ilm, ils vont mettre en garde contre les innovateurs, qui sont en train de propager des idées fausses et ainsi de suite, et parfois ils citent leur nom, ils citent les noms de ces innovateurs et ainsi de suite, d'autres talibat, ils ont ce wara' bari. Ils vont dire, non, ça c'est de riba, vous tombez dans le riba, c'est haram. Nous, on ne veut pas commettre riba. Ils vont faire cela. Ça c'est de la piété, mais froide, c'est mauvais. C'est pas de la bonne piété. Ça c'est mauvais. C'est comme si, toi tu es en train de voir un monkar, tu veux le changer, tu veux donc quelqu'un pour t'aider, pour changer un monkar. Quelqu'un va te dire, mais moi, je ne veux pas blesser tel homme. Non, il s'agit d'aller vers le meilleur. Très bien. Donc là, le cheikh, on va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Le cheikh Hafidhahullah, parce que donc parfois les gens d'innovation, ils disent, écoutez le cheikh, il ne fait pas cela beaucoup. D'accord. Eux, donc, ils ont des choubouhats comme cela. Ils ont des choubouhats comme cela, alors que ça, c'est pas une preuve. Donc, la preuve, c'est que tel homme de science, il a montré les preuves. Eux, ils disent, mais tel autre, il n'a pas parlé. Mais tel autre, peut-être, il a un autre avis. Qui te dit qu'il a un autre avis? L'autre qui n'a pas parlé, c'est Soukout, comme on dit, il y a même un ijma qui s'appelle ijma Soukouti. Lorsque des gens de science, ils ont parlé, et d'autres, ils ont entendu leur avis, et ils se sont tués, c'est qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord, ils sont du même avis. Si ce savant avait un autre avis, il va dire, non, j'ai entendu quelqu'un parler d'un tel jour, moi j'ai un autre avis, le voici. Mais tel autre qui s'est tué, c'est qu'il est d'accord. Comme on dit, qui nous dit mot consent. Et c'est vrai dans la science que, donc là, il y a un ijma qui s'appelle ijma Soukouti. C'est-à-dire, lorsque des gens de science, ils ont parlé, et d'autres, ils se sont tués, on va dire qu'il y a un ijmer, puisque les autres, ils se sont tués, ils sont d'accord. Très bien. Très bien, on continue. La réponse du cheikh. La règle en cela est d'avertir sur l'erreur et la déviance. Toujours, on doit répliquer à l'erreur. L'erreur, on ne doit pas la négliger et la laisser. Donc, yurad ala khata bi kulli hal. Même s'il émane des gens de la sunna. Il faut répliquer à l'erreur. L'erreur, on l'a refait de toute façon. D'accord? La règle en cela est d'avertir sur l'erreur et la déviance. De les diagnostiquer. C'est-à-dire ces erreurs et déviances. De les diagnostiquer. Si l'affaire nécessite de déclarer les noms des personnes afin qu'on ne soit pas trompé par eux, notamment concernant les gens ayant un écart dans la pensée ou dans la voie et la méthodologie, qui sont célèbres auprès du public, hein, qui a un bon soupçon à leur égard, parce que donc ces gens qui sont célèbres auprès du public, le public il a une bonne idée de ces gens, hein. Le cheikh l'a dit, il n'y a pas de mal qu'on les mentionne nommément par leur nom, hein, et qu'on mette en garde contre eux, hein. C'est-à-dire on va mettre en garde contre eux, et tel homme il a telle erreur, il a fait telle erreur, il est tel savant, il lui a répliqué, on propage. Pourquoi le savant il a répondu? C'est pour que nous on propage, hein. Surtout lorsque le savant il propage, il a dit cela dans un dars et cela a été publié, a été diffusé, hein. D'accord? On propage. Et parfois les problèmes lorsqu'ils contactent le savant, pour un ou un autre, ils disent à la fin, est-ce que vous permettez qu'on publie? Et le cheikh il dit oui, la baisse, oui, publier, hein, publier cette chose pour que les gens soient avertis. Parce que ces gens de l'Bida, ils appellent à des choses parfois qui vont détruire, hein, beaucoup de choses dans la Ummah. Qui vont détruire, ils ont fait des ravages dans la Ummah. Ils ont fait des ravages dans la Ummah, les gens d'innovation. Hein? Très bien. Le Cheikh, il a continué sa réponse. Il a dit, les savants ont réalisé des recherches dans la science de la critique et de l'éloge. Fi ilm jarh wa ta'dil, a dit Cheikh Fawzan. Parce qu'il y a des gens qui disent, Cheikh Fawzan, donc... il dit ilm jarh wa ta'dil fil qubur, hein, ilm jarh wa ta'dil, c'est pas à notre époque. Non, c'est pas donc ce que le cheikh il veut dire, hein. Le cheikh, hein, voit, il a un avis comme quoi ilm jarh wa ta'dil qui concerne Rouat, il s'est terminé, hein, d'accord, et que la critique des innovateurs elle continue. La critique des innovateurs elle continue. Lui il ne l'appelle pas jarh wa ta'dil, Cheikh Fawzan. Oui, oui. Il ne l'appelle pas jarh wa ta'dil, il dit nasiha wa rad ala al mukhalif. Il dit c'est pas jarh wa ta'dil. Ça c'est une divergence avec ce noble savant qui cherche Salih Fawzan, une divergence sur la terminologie, sur le nom. Lui il dit moi j'appelle cela un nasiha, un rad ala al mukhalif. Je ne dis pas jarh wa ta'dil. Al Sheikh Rabi', al Sheikh Albani et d'autres savants ils disent al jarh wa ta'dil. D'accord, ils disent al jarh wa ta'dil. D'accord. Donc là, c'est une divergence sur le nom, sur l'appellation seulement. Deux fois aussi, hein? Dit, je ne sais pas, tahdir anil. Non, tahdir min al-bid'a wal ahwa. Les noms qu'on a cités au départ, parce que parfois on dit jarh wa ta'dil, parfois on dit rad al-mukhalif, tahdir min al-bid'a wal ahwa. D'accord. Okay, je l'ai dit que le da'i qui ne fait pas tahdir anil. Oui. Je ne sais pas. J'ai oublié, mais il a utilisé cette terme. Il a dit, c'est pas un da'i qui ne fait pas tahdir. Oui. Oui, parce que l'islam, c'est... Donc, on appelle au bien et on met en garde contre le mal. Hein? Sinon, on va dire, nous, on va rien qu'appeler à salat, à zakat, à al-hajj. Mais on laisse les gens d'innovation propager les idées qu'ils veulent parmi le public. Là, les gens d'innovation, ils vont faire vraiment une conquête dans la Ummah. Ils vont réaliser une conquête dans la Ummah. Ils vont... chambouler les idées des gens, hein. Et même Cheikh Al-Uthaymin il a dit la science de jarh wa ta'dil lam yumrad wa lam yudfan. Pour ces gens qui disent ilm jarh wa ta'dil ça y est il s'est terminé, Cheikh Al-Uthaymin Muhammad Salih Al-Uthaymin rahmallah il a dit non, la science de jarh wa ta'dil n'est jamais tombée malade, hein, il n'a pas été enterré, elle continue, hein, parce que c'est la réputation des gens d'innovation, hein. Et à notre époque, nous, on a besoin de jarh wa ta'dil plus que les premiers. Hein? Parce qu'à notre époque, il y a beaucoup, beaucoup donc d'innovateurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'innovateurs. Hein? Alors que donc, dans l'époque de force de Sahaba, etc. Donc, il y avait beaucoup de sciences. Il y avait beaucoup de savants. Alors que dans notre époque, hein, il y a peu, très, très peu de savants. Surtout dans certaines régions, telles que ici dans notre pays, le Maroc. Que dire de l'Occident ? Où il n'y a pas un savant, hein, il n'y a pas des gens de science, hein, des pays comme ceux-là. Donc on a besoin de contacter les gens de science pour savoir, hein, leur avis, hein, concernant les hommes, et concernant les groupes, et concernant les livres, comme on a vu. Très bien, le cheikh il a dit, les savants ont réalisé des recherches dans la science de la critique et de l'éloge. Ils ont mentionné les rapporteurs et ce qui a été dit à leur sujet comme défaut, non pas pour leur propre personne. On ne critique pas pour leur propre personne. Non, pas parce qu'on ne l'aime pas, lui, on ne l'apprécie pas, on n'a pas donc une amitié avec lui. Non, pas pour leur propre personne, mais pour ce qu'ils propagent. Hein. Le Cheikh l'a dit, non, pas pour leur propre personne, mais afin de déconseiller à la communauté de recevoir d'eux des choses contenant des délits envers la religion. Hein. Jara'im de Sharia. Hein, des gens qui vont propager des erreurs, des faussetés qui vont rentrer dans la législation, dans la religion. Hein, d'accord? Pour déconseiller à la communauté de recevoir d'eux des choses contenant des délits hein, envers la religion ou un mensonge à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein, d'accord? Tel que une fois, l'un d'eux, hein, qui est Al-Arifi, il a pris une parole du message alayhi salam et il a voulu donc lui donner un autre sens. Et il a dit, j'ai lu ce sens dans Nawawi, chez Nawawi, dans Sharh Nawawi de Sahih Muslim, il a dit, j'ai lu cela. Cheikh Fawzan l'a dit, j'ai lu, donc là, le Sharh de Nawawi sur ce hadith, je n'ai pas trouvé tel sens. Hein, je n'ai pas trouvé tel sens que le prophète a voulu dire cela. Que c'est relativement au hadith qui est... Hein, اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك donc enfant et obéis à ton gouverneur musulman hein, pour préserver donc la l'union de la communauté et que les kuffars ne vont pas rentrer s'infiltrer dans notre groupe hein, entends et obéis à ton gouverneur même s'il va hein, donc frapper ton dos et prendre ton argent d'accord et te prendre ton argent toi particulier. L'Arifi, il est venu, il a dit, s'il fait cela dans le haq, s'il a frappé ton dos, ou bien donc qu'il t'a pris ton argent pour une raison, pas bel haq, c'est-à-dire que toi, tu as commis une chose dans la société, tu as commis un crime. Mais s'il veut faire cette chose d'une manière injuste, il ne doit pas entendre et obéir. Ça, c'est l'avis de l'Arifi. Ça, c'est l'avis de l'Khawarij. Hein? Et Cheikh Fawzan, il a dit, je n'ai pas trouvé cette explication qu'a donné l'Arifi. Donc, il a commis un autre crime qui est d'imputer cela à un Nawawi. Nawawi n'a pas dit cela dans son charh de ce hadith. D'accord? Vous voyez qu'il glisse des choses et il impute des paroles à des grands savants pour tromper la communauté. Pour tromper la communauté. Alors que le prophète, il a dit la chose clairement. Isma' wa ata'. Pourquoi donc, si c'était dans ce qu'il dit lui, dans le haq, le prophète ne va pas, donc si quelqu'un va te dire, donc c'est-à-dire dans le haq, tu dois obéir. Si toi tu as commis une erreur, tu dois, c'est-à-dire recevoir ta peine et ton châtiment. D'accord? Si tu as commis une erreur ou bien un crime dans la société, tu reçois ton châtiment, il n'y a pas de... Mais le prophète, il était en train de parler de l'union de la communauté et que nous, on ne se rebelle pas contre notre gouverneur musulman pour que la communauté musulmane reste forte vis-à-vis de l'ennemi. Regardez maintenant, les kuffars sont en train de... Même eux, ils sont en train de... Je ne sais pas si c'est une mise en scène entre la Russie et les États-Unis ou bien c'est... Ils sont en train de penser à plusieurs scénarios. Vous voyez à quel point, donc, il est... arriver c'est-à-dire cette faiblesse, il pense à plusieurs scénarios. La Russie veut manger donc ce gâteau, l'Amérique veut rentrer. Donc quand l'Amérique frappe la Syrie, la partie qui reste de toute façon dans la Syrie, puisque la Syrie, la moitié, elle est donc rasée. Donc il y a beaucoup de destruction. Ce qui reste quand même, lorsque les États-Unis frappent, les autres, ils viennent dire. Non, vous avez transgressé la loi internationale et ainsi de suite. Et ce Bachar n'a pas transgressé la loi internationale. Hein? Donc regardez, cela fait que les kuffars, ils vont, comme a dit alayhi salam, satada'a alaykum al-umam, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. C'est-à-dire que les communautés vont venir pour manger votre richesse et vos ressources. Hein? Comme, hein, donc, les gens, comme cela. Comme les gens vont s'inviter lorsqu'il y a un dîner chez quelqu'un, ils vont dire, nous sommes tous invités chez un tel. Hein? Donc les communautés maintenant, ils sont en train de dire, nous, on fait une union entre nous et on va aller donc dans tel pays. Hein, des alliés et ainsi de suite pour frapper certains pays et pour spolier par la suite leur richesse. Très bien, donc là, le savant était en train de dire, de toute façon, Donc il a dit, les savants ont réalisé des recherches dans la science de Al-Jarh wa Ta'dil. Ils ont mentionné les rapporteurs et ce qui a été dit à leur sujet comme défaut. Non, pas pour leur propre personne, mais afin de déconseiller à la communauté de recevoir d'eux des choses contenant des délits. Hein, des délits envers la religion. C'est pour protéger la religion. Cette science, c'est pour protéger la religion. D'accord? Hein? Recevoir des délits qui rentrent en religion ou un mensonge à l'égard du messager sallallahu alayhi wa sallam. Continue, cher Fouzen, il a dit, donc la règle est d'abord d'avertir contre la faute, sans indiquer son auteur, si la mention de son nom engendre un mal. Parfois, toi, tu vas dire à des gens que ceci est faux, sans nécessairement leur citer le nom, parce que si tu vas leur citer le nom, eux, ils se crispent beaucoup à cette personne. Tu vas pas leur citer le nom, tu vas leur dire juste la vérité. Juste, tu corriges les idées. Hein? Parce que si tu vas citer que tel homme, il est un innovateur, hein? Eux, ils s'attachent beaucoup à cette personne. Toi, tu vas leur montrer juste l'innovation. Tu vas leur dire, réciter leur Coran en groupe, ce n'est pas bien. Faire telle chose n'est pas bonne. Avoir tel avis n'est pas bon parce que voici les arguments. D'accord? C'est-à-dire, si lorsqu'on cite le nom, ils ne vont pas accepter la vérité. S'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt. D'accord? Comme a dit le cheikh, si le fait de citer son nom engendre un mal. Hein, comme par exemple dans un pays où il y a la force, elle est du côté des gens d'innovation. Si toi, tu vas commencer à leur critiquer leurs innovateurs, ils peuvent même te maltraiter. Ils peuvent même te nuire. D'accord? Donc, tel que les endroits où les soufis, hein, ou les Ash'ari, ou les autres, ils sont forts, si toi tu vas leur dire que tel savant que vous avez, c'est un grand innovateur. Les gens de science ont répliqué par tel et tel livre, c'est un grand innovateur. Ils vont venir et te nuire. Mais si tu vas prendre ces idées et leur dire, tel avis, il est faux dans la religion parce que Allah a dit, et son messager a dit. Ils ne peuvent pas te nuire parce que toi tu es en train de dire qu'Allah qu'Allah rasoulou, hein, ou bien tu es en train d'argumenter par les paroles des gens de science. Tu vas leur dire Malik avait dit, hein, Ahmed avait dit, tu vas leur dire Ibn Taymiyyah avait dit. Là ils vont accepter de toi, hein, généralement ils vont accepter de toi. Mais si tu vas leur citer leur savant, tu vas leur dire votre savant actuel, tel homme, c'est un innovateur parce qu'il dit telle chose, hein, peut-être même qu'ils vont te nuire. D'accord? Donc là, le cheikh, il a dit, si le fait de citer son nom engendre un mal, ou bien n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt de citer son nom. Parfois, il n'y a pas d'intérêt de citer le nom. D'accord? Il suffit de corriger l'erreur. D'accord? D'accord? Mais il y a des fois où citer le nom, il est important. Hein? Il y a des fois où citer le nom, il est important. D'accord? Et si la question continue, cheikh, et si la question nécessite de déclarer son nom, afin de mettre les gens en garde contre lui, hein, cela fait partie du conseil envers Allah, son messager, les commandants des musulmans et leur masse. Surtout s'il a une activité parmi le public, qui a une bonne idée à son égard, puisque garder le silence sur son cas nuirait aux gens. Parfois, il est important de citer le nom, d'accord? De dire, Al-Qardawi c'est un innovateur, Al-Huwayni c'est un innovateur, Hassan c'est un innovateur, Al-Arif c'est un innovateur, hein, et ainsi de suite. Hein, Al-Bouti c'est un innovateur, et ainsi de suite. D'accord? Le fait de leur citer les noms, c'est parfois important. Hein? Le cheikh, il a continué, il a dit, il faut nécessairement les démasquer. Hein? Ces gens qui trompent le public et ainsi de suite. Il faut nécessairement les démasquer, non pas dans le but de les diffamer ou de les scandaliser. Hein? D'accord? On ne fait pas cela pour, c'est-à-dire, tchafifihim ou tchahi, ou comme eux ils disent riba, vous mangez la chair des gens de science, vous êtes en train de faire riba. Non, c'est pas pour cela. Mais toi, sunni, toi, tu défends la sunna de ton messager, alayhi sallam. Non pas pour les diffamer, donc eux-mêmes, hein, ou de les scandaliser eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais en vue du conseil envers Allah, son livre, son messager, les commandants des musulmans et leur masse. Voici ce qui doit donc être donc la motivation pour nous. C'est pour défendre la religion d'Allah. Non pas on fait cela pour la personne, on n'aime pas telle personne, pour elle-même. Non, on ne l'aime pas parce que c'est une personne innovatrice. on ne l'aime pas, c'est-à-dire dans la religion d'Allah. Dans la religion d'Allah, il ne convient pas qu'on se taise sur cette personne. D'accord? C'est pour cela. D'accord? Très bien. Après cela, le cheikh, il a donné ses commentaires. Il a dit, après cette réponse de cheikh Fawzan, il a dit, et je dis, cheikh Abu Abdallah, je dis, et est-ce qu'on dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas soucieux d'unifier les rangs de la communauté quand il critiqua ces gens, hein, subventionnés, qu'il a cités au départ, hein, les quatre cas qu'on a cités au moins, hein, avec ces termes virulents, lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, quel mauvais frère de clan, hein, ou lorsqu'il a dit, ceci n'est qu'un frère de devin, innama hada min ikhwanil kohan. Si vous remarquez l'expression du prophète, innama satufidul hasr. C'est-à-dire que tel homme n'est qu'un frère des devins, de Kohen. Hein? La parole du prophète était forte, c'était très dure. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire que lorsque le prophète il a dit ces choses, il n'avait pas le souci de l'union de la communauté. Hein? Hein? Lorsqu'il a dit cela, lorsqu'il a dit innama hada min ikhwan kohan, et lorsqu'il a dit les khawarij, ils, c'est-à-dire les khawarij, s'échappent de la religion comme la flèche quitte son arc. Hein? Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Hein? Lorsque le prophète il a dit cela des khawarij, est-ce qu'il voulait diviser la communauté, comme disent ces innovateurs à notre époque? Est-ce que le prophète n'avait pas le souci d'unir la communauté? Si, le prophète avait le souci d'unir la communauté, mais non pas de l'unir sur la fausseté. Les faussés, on les montre. Et les fauteurs, on les montre. Hein? Parce qu'on ne peut pas vivre avec les criminels. On doit les démasquer. Hein? Mais on se réunit sur la vérité, non pas sur la faussée. Il a dit, hein? Et lorsqu'il a dit cette chose donc des khawaj. Et lorsqu'il a dit aussi, si je les atteins, je les tuerai à l'instar du peuple de Had. In adraktuhum la aqtulannahum qatla Had. C'est-à-dire, il a montré que les khawarij, hein, s'il va les combattre, si ils vont apparaître à son époque, il va les tuer, le messager alayhi sallam, comme le peuple de Ad ont été tués. D'accord? L'aqtulannahum qatla Ad, c'est-à-dire pour montrer que donc il va les tuer avec beaucoup de motivation, beaucoup de force, hein, beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de hardiesse. C'est-à-dire qu'il va vraiment donc faire face à ces gens qui disent cela, les khawarij. D'accord? Et lorsqu'il a dit aussi, certes, ils sont les chiens des gens du feu, innahum kilabu ahli nar. Lorsque le prophète il a dit des khawarij, innahum kilabu ahli nar, le prophète voulait diviser la umma. Non, il ne voulait pas diviser la umma, il voulait montrer la fausseté. Critiquer et montrer la fausseté, il est légitime. D'accord? Et cela fait-il partie de l'excès dans la critique? Hein, au auteur de Risala ila Ghulati Tajrih. C'est Mohamed Hassan qui a écrit cette Risala. Il a dit Risala ila Ghulati Tajrih. Il a dit une épître, hein, aux excessifs dans la critique. Hein? Il a fait ce charret, cette cassette, et peut-être que cela a été publié. Il était en train de s'opposer aux gens de science. Il était en train de dire que les gens de la critique et de l'éloge, tels que Muqbil, tels que Rabi ibn Hadi, et tels que les gens de science, hein, il dit que c'est des excessifs dans le jarh, c'est-à-dire qu'ils exagèrent dans la critique et l'éloge. Non, ils n'exagèrent pas. Il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'innovateurs. Hein, et ils ont fait en réalité peu de choses, hein, par rapport à ce qui doit être ils ont fait ce qu'ils peuvent, hein, par rapport à ce qu'il y a dans la communauté. Cheikh Rabi, lorsqu'il parle, il dit il y a beaucoup de gens qui contredisent la sunna. Non, on a parlé de quelques-uns. Lorsque, comme on va voir, lorsque il a critiqué plus de 600 hommes, Cheikh Rabi il a critiqué moins de 30, hein. Parce qu'on va voir que le Bukhari, rahmallah, il a critiqué plus de 400 hommes. 400. Et Cheikh Rabi, il a critiqué moins de 30. Hein? Non, Cheikh Rabi, il a fait son effort. Il a critiqué les gens qu'il a pu faire, hein, à son époque. Hein? Alors que les grands savants, les muhaddithines, etc., ils ont critiqué 600 hommes. Ils les ont, ces gens, on ne prend pas d'eux. Et c'était des gens meilleurs que ceux que Cheikh Rabi' critique. C'était des gens meilleurs que ceux que Cheikh Rabi' critique. Parce que ceux que Cheikh Rabi' critique sont des gens vraiment, vraiment, ils n'ont pas l'ibadat, comme les Khawarij. Ils n'ont pas vraiment l'ibadat, comme ils faisaient les Khawarij. Ils avaient beaucoup de récitation du Coran, ils avaient de la lecture, ils avaient des adorations, ils avaient des choses. Et donc, si on voit le parcours et la biographie de Sayyid Qutb, c'est un homme qui avait donc qui se déplaçait entre l'ilhad, entre l'athéisme, entre le christianisme, et par la suite il est retourné vers la religion. Il a rallié le mouvement des frères musulmans et c'est devenu un théoricien de Khawarij, hein, des frères musulmans. Alors que ces gens à l'époque donc de Sahabi et ainsi de suite, c'est vrai qu'ils sont des égarés, de grands égarés Khawarij, mais donc, il n'avait pas les égarements qu'on avait, donc Sayyid Qutb, hein, qui a beaucoup, beaucoup d'égarements. Si on lit ce qu'avait écrit Abdallah Doui chez Cheikh Rabi et d'autres, il a beaucoup, beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations dans plusieurs, c'est-à-dire directions. Hein, parce que le Khawarij, ils avaient une erreur dans un plan. Alors que Sayyid Qutb, il a des erreurs dans le Khuruj. Il a des erreurs dans Ta'wil Sifat. Il a des erreurs dans le Rafi. Il a des erreurs dans le Wahdat al-Wujud. Il a des erreurs sur plusieurs plans. Il a beaucoup donc de choses. Il a dit que le Coran c'est comme de la musique. Il a dit que donc certaines histoires dans le Coran c'est comme Tamthiliyat, c'est comme les mises en scène du cinéma et ainsi de suite. Ça c'est vraiment un homme. Lorsqu'un homme il n'a pas de science, il a parlé de la religion, il a commis vraiment des choses catastrophiques. Catastrophiques. Hein? Très bien. Et les Khawarij n'aimaient pas le mensonge. Les Khawarij, ils considéraient que celui qui ment, c'est un kafir. C'est un mécréant. Alors que ces gens, ils utilisent le mensonge. Ils utilisent le mensonge dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Ils mentent, ils sont en train de mentir et de tromper les gens. Hein? Wallah al-musta'an. Donc là, on revient. Donc là, lorsque le Cheikh, il nous a rapporté ces paroles du prophète, lorsque le prophète, il a prononcé ces paroles de critique, dures, qawiyya, shadida, hein, est-ce qu'il était en train de diviser la Ummah? Non, il était en train de conseiller à la Ummah. Il était en train de faire le contraire de ce que pensent ces gens d'innovation. Le prophète, lorsqu'il a fait cela, n'était pas en train de diviser la Ummah, il était en train de raffermir les rangs de la Ummah et de serrer les rangs de la Ummah sur le haq. Alors que les gens d'innovation, ils pensent que ça divise la Ummah, de dire ces gens ils ont l'innovation de l'Khuruj, tel autre ils ont Rafid, etc. Parce que les frères musulmans, c'est un patchwork, hein, c'est un mélange d'innovation. Ils ont Rawafid avec eux, ils ont les chrétiens avec eux, ils ont les soufis, ils ont plusieurs sectes avec eux. Hein? Donc eux ils ne vont pas critiquer une ta'ifa pour que tout le monde sera avec eux. Wallah al-musta'an. Très bien, donc là le cheikh il a adressé cette question à Mohamed Hassan. Mohamed Hassan doit répondre à cette question, hein? Il doit répondre à cette question. Lorsque le prophète il a prononcé ses paroles dures, hein, c'est-à-dire des paroles chédides, hein, est-ce que cela fait partie de l'relou ou fil jarh, hein? Lorsqu'il dit que tel homme n'est que parmi les frères des devins, des Kohen. Hein? Est-ce que Cheikh Rabi il a prononcé ces paroles à l'égard donc des innovateurs? Il a dit tel homme, il s'est trompé, tel homme, il a telle innovation. Hein? Mais il n'a pas dit que tel homme, il fait partie de Ikhwan al-Kohen. Pourtant, notre messager, il a dit, si Cheikh Rabi il dit cela, hein, donc de ces gens, ils vont donc peut-être qu'ils vont prononcer que c'est, hein, donc ils vont dire des choses plus graves. Regardez les nuances qu'il y a dans cela. Très bien. Donc là, le cheikh il a dit, je dis, et les compagnons, radiallahu anhum, les compagnons ont suivi ce sentier, hein, droit, hein, dans la protection de la religion face aux gens de déviance, hein. Les compagnons vont suivre ce chemin tracé par le prophète alayhi salam. Ils vont appliquer cette méthodologie, ils vont critiquer les erreurs. Ils vont critiquer les erreurs et les égarements. Hein? Ali ibn Abi Talib avait mis en garde contre les Khawarij. Hein? Muslim avait recueilli. Regardez que le cheikh, lorsqu'il avance une idée, il va te montrer la preuve. Muslim radiallahu anhu wa rahima avait recueilli d'après Ubaydillah ibn Rafi', serviteur du messager d'Allah, khadim wa rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Al-Haruriya, c'est-à-dire Khawarij, lorsque les Al-Haruriya qui se sont rassemblés dans Harura, on les a appelés Haruriya. Hein? Harura, qui est une ville dans les frontières de l'Irak. Hein? Lorsqu'ils se sont rassemblés, ou bien près de Basra, Basora. Hein? Lorsque Al-Haruriya, ils ont pris ce nom parce que ils se sont rassemblés dans une région qui s'appelle Harura. Lorsque les Haruriya, les rebelles, sont apparus alors qu'il était avec Ali ibn Abi Talib, lorsque ce serviteur du messager était avec Ali ibn Abi Talib, hein, et que ces gens sont apparus, hein, et qu'ils ont dit le jugement n'appartient qu'à Allah, inil hukmu illa lillah. Les Khawarij à notre époque, ils parlent donc inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hein? D'accord? Ils n'ont que cela, ils font leur religion sur cela. C'est-à-dire que la religion, ils oublient eux, le tahara, ils oublient la salat, ils oublient le hajj, ils oublient le zakat, ils oublient la croyance, ils oublient de, donc d'appeler à tawhid, et ainsi de suite. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. D'accord? Hein, lorsque donc ces khawarij, ils ont dit cela devant Ali, le grand savant, le grand compagnon. Hein, Ali répliqua et il dit, c'est une parole de vérité. Inil hukmu illa, c'est une parole de vérité. Inil hukmu illa lillah. Le hukm, le jugement, n'appartient qu'à Allah. Nous, on doit gouverner par ce que Allah a fait descendre, le livre et la sunna du messager, alayhi salam. Hein? On doit gouverner par cela. Ça, c'est une parole de vérité. Hein? Ali radiallahu anhu avait dit, c'est une parole de vérité par laquelle on veut une fausseté. Hein? Urida biha batil kalimatul haqqin, urida biha batil. Regardez le fiqh. Regardez l'ilm, comment il a répliqué à ces gens. Il a dit, ces gens, ils ont dit une parole de vérité, mais pas cette parole de vérité. Ils veulent transmettre un sens qui est faux. Ils veulent se rébeller et semer la division dans les rangs des musulmans. C'est ce que font les Khawarij de notre époque. Hein? Ils disent, nous, on veut la charia, appliquer la charia, et ainsi de suite. Alors que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, est-ce qu'ils ont appliqué la charia, les ikhwan, pendant une année? On leur a laissé une année. Est-ce qu'ils ont appliqué de la charia? Qu'est-ce qu'ils ont appliqué de la charia? Au contraire, ils se sont éloignés. Ils ont ouvert les portes aux rawafid et ils ont commis plein d'égarements que le gouverneur précédent ne faisait pas. Le gouverneur précédent, il était ferme à l'égard des Rawafid. Il était ferme à l'égard des Juifs. Hein? Eux, ils ont pactisé avec les Juifs et ainsi de suite. Et comme avait donc divulgué donc la dame Hillary Clinton et d'autres, ils ont dit, nous, on a soutenu les frères musulmans pour faire chuter Hosni Mubarak parce que donc ils ne voulaient pas donc accepter beaucoup de nos conditions. Hein? Et eux, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont ouvert les portes, hein, aux Rawafid et aux Juifs. Très bien. Regardez la situation maintenant en Palestine. Hein, on ne parle même pas d'eux. Hein, maintenant, avec la Syrie, avec ses troubles, etc., les Palestiniens, ils sont en train de souffrir, hein, tout seuls. Ils sont en train de souffrir. Hein, c'est pas lorsqu'il y avait qu'un seul conflit et les gens soutenaient la Palestine. Maintenant, les Palestiniens, hein, donc sont livrés, même dans les médias, on les oublie. Même dans les médias, on les oublie. Seuls les gens de la Sunna, ils continuent à les soutenir. L'État de donc saoudien, etc. Toujours, allez, en train de soutenir donc les gens qui perdent leur domicile et ainsi de suite. Wallahu musta'an. Donc Ali ibn Abi Talib, il avait répliqué, il avait dit, c'est une parole de vérité par laquelle on veut une fausseté. Le messager, il a continué de dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait décrit des gens. Et je reconnais, hein, et je reconnais, d'accord, et je reconnais cette description, la description que le prophète avait faite, et je reconnais cette description en ceux-ci, en ces gens qui sont à Harura, d'accord, parce que le prophète, il les a décrits, il a mentionné quelles sont leurs caractéristiques, hein. Ils profèrent une vérité, hein, par leur langue. Ils prononcent une vérité par leur langue, hein, mais qui ne dépasse pas cette partie en eux. Et il a montré sa gorge. Hein. يَقُولُونَ قَوْلَ سَحَقٍ وَلَكِنْ لَتُجَوِزُوا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ أَوْ إِلَى حُنْجُرَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et il a dit, ils sont parmi les créatures les plus détestées par Allah. Hein, ils sont parmi les créatures les plus détestées pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc là, regardez la position ferme de Ali radiallahu anhu. Il n'a pas dit, nous, on va coopérer avec, comme on va voir, hein. Il n'a pas dit, on va coopérer avec ces gens puisqu'ils ont de la récitation du Coran, ils ont quoi? Ils ont l'ibadah, qiyam al-layl, et ils veulent appliquer la sharia. Donc nous, Mais est-ce que les Sahaba n'étaient pas en train d'appliquer la charia? Eux, ils sont sortis, ils ont dit « Inna al-hukmu illa lillah ». Parce que ces gens qui ont ce vice de l'khawarij, quoi que tu appliques, ils ne vont pas accepter de toi. Et la preuve, c'est que Sayyid Qutb, il a critiqué même Uthman radiallahu anhu. Il n'est pas satisfait à l'égard de Uthman ibn Affan ibn Nurayn. Un sahabi ne le satisfait pas. Est-ce qu'un gouverneur actuel va le satisfaire? Très bien. Et donc, le deuxième exemple, quand les Qadarides sont apparus, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu avait mis en garde contre eux et il les avait désavoués. Wa tabarra'a minhum. D'accord? Et il les avait désavoués. Muslim, voici la preuve. Muslim avait recueilli, d'après Yahya ibn Ya'mar, qu'il dit, oh Aba Abdurrahman, il est apparu. Aba Abdurrahman, c'est la cunia de Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Oh Aba Abdurrahman, il est apparu dans notre région des gens qui récitent le Coran, et qui quittent la science. Yatlubun al-ilm, yataqaffarun al-ilm. Ils apprennent la science, avec beaucoup d'efforts. Yataqaffarun al-ilm. Et ils signent là de leur statut. Wadakara min sha'nihim. Ils font ceci et cela, etc. Mais ils prétendent. Qu'est-ce qu'ils prétendent? Mais ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestination. C'est grave, ça c'est kufr. Ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestination. Et que l'affaire se produit, puis Allah la prend. Na'udhu billah. Ils ont dit, ils ont une erreur sur un plan. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est trop, il a sur plusieurs plans, il a des égarements. Regardez ces gens, ils font quoi? Le Coran, récite le Coran, yataqaffarun al-ilm, et il a cité de leur statut. Mais, ils disent qu'il n'y a pas de prédestination. Ils disent que la chose se produit, puis Allah la connaît et il la transcrit. Alors que Allah, il a connu toutes ces choses avant de créer samawati wal-ard bi 50 alf sana. Il transcrit cela avant, c'est-à-dire de créer les cieux et la terre 50 000 ans avant. Il a transcrit tout cela dans, c'est-à-dire lorsqu'il a créé Al-Qalam, la plume. Allah, il a transcrit tout ce qui, il a dit à la plume d'écrire tout ce qui va se produire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dicté ce qu'il va écrire. Il a qiyam sa'a, tout ce qui est en train de se produire, Allah le connaît. Allah l'a connu. Ces gens, ils ont dit non, il n'a pas connu. Et donc, lorsque la chose se produit, c'est là que les mélakines, et lorsque Allah, il va la connaître. Ça, c'est une parole de mécréance. Ce qu'ils ont prononcé, c'est une parole de mécréance. D'accord? Très bien. Ibn Umar dit, lorsqu'ils ont dit cette chose, Ibn Umar répliqua et il dit, et il critiqua. Wa fa'ala al-jarh wa ta'dil. Qu'est-ce qu'il a fait contre eux? Al-jarh wa ta'dil. Il a dit, si tu rencontres ces gens, dis-leur que je me désavoue d'eux. A'limhum anni bari'un minhum. Dis-leur que je me désavoue d'eux. Que je les déteste. Que je me désavoue d'eux. D'accord? Et eux se désavouent de moi. Wahum bura'a'u minni. Eux, ils n'ont aucun lien avec moi. Et moi, je n'ai aucun lien avec eux. Regardez ce qu'il a dit. Et on va, donc, je vais vous citer aussi, lorsque, donc, Ibn Abbas, il a appris, donc, sur les Khadarif, il a dit une parole, comme son frère Ibn Umar. Très bien. Par celui duquel Abdullah Ibn Umar jure, si l'un d'eux dispose de l'équivalent du mont de Uhud en or, si quelqu'un parmi eux, il a la montagne d'Uhud en or, qu'il la dépense dans le sentier d'Allah. Il va la dépenser. Il va dépenser toute cette fortune dans le sentier d'Allah. Il va construire des mosquées. Il va aider les pauvres, les orphelins, la Syrie, je ne sais pas quelle association, Baraka City, ces choses. Ils vont faire ces choses, etc. Ces associations, mais ils ont des mu'taqadat batila. D'accord? Lui, il a dit à propos de ses khawarij, ou bien de ses qadaris, il a dit, si quelqu'un d'eux dispose de l'équivalent du mont de Uhud en or, qu'il dépense dans le sentier d'Allah, Allah n'accepte pas de lui. Allah ne va pas accepter de lui une œuvre. Ne serait-ce qu'un atome. Parce que lui, il est un mécréant. Allah n'accepte pas des mécréants. Innama yataqabbalu minal muttaqin. Man hum al-muttaqun? Al-muttaqun ahlul islam. Allah n'accepte que des pieux. Qui sont les pieux? Les pieux en général, c'est les musulmans. Et puis, ceux qui sont vraiment pieux, c'est-à-dire ceux qui réalisent la piété au sens strict. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte donc des musulmans. Et tout musulman, il a de la piété. Alhamdulillah. Parce que l'islam s'appelle taqwa aussi. Parce que parmi les noms de l'islam, c'est al-bir, et c'est al-iman, et c'est al-taqwa, et c'est al-khayr, hein, parmi les noms de l'islam. Très bien. Et donc là, Ibn Omar, radiallahu anhu, regardez cette parole. Il a dit, donc, par celui duquel, hein, Ibn Omar jure, si l'un d'eux dispose de l'équivalent du monde de Uhud en or, et qu'il le dépense dans le sentier d'Allah, Allah n'accepte pas de lui avant qu'il croie au destin. Hein, il doit réaliser cela, il doit devenir musulman, il croit au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de lui s'il va faire une œuvre. D'accord? Fin de citation. Hein, et Ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu parler des Qadarès, il a dit, si je vais prendre l'un d'eux, je vais lui couper le nez ou bien je vais lui triturer la tête. Ajda'u anfa ou yani يعني ادق ادق راسه hein, je vais triturer sa tête ou bien je vais lui couper le nez. C'est, il montre qu'il les déteste. Il veut dire par là qu'il les déteste, hein, qu'il les déteste. D'accord? Donc là, hein, c'est pas, il m'a dit, hein, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comme disent ces gens d'innovation, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit cette parole, mais nous, on est contre le gouverneur. On doit nous serrer notre rang contre le gouverneur. C'est pour sortir dans les manifestations. Les Qadarites ne vont pas sortir avec nous. Ce sera une perte. Ça va affaiblir notre rang. Hein? Comme raison ce Mohamed Hassan et ses égards et ses ignorants. Le Cheikh, lorsqu'il était, il a écrit cette épître et maintenant il est en train de faire des cours sur cette épître. Il montre d'autres arguments et beaucoup de preuves parce que ici il a résumé. Et maintenant il est en train d'expliquer avec moult détails, avec beaucoup de détails il est en train d'expliquer. Le Cheikh, il dit, ce Mohamed Hassan, c'est un grand ignorant. Hein, c'est un grand ignorant, au point qu'il ignore ces choses rudimentaires dans la religion, c'est-à-dire qu'il faut défendre la religion. Que la religion, donc, doit avoir la critique. Que dans la religion, on critique les rouas et on critique les douas. Il ignore ces choses. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il ignore, puisque lui, il dit que les savants, hein, qui sont les grands savants, tels que Moqbil, tels que Rabi, tels que donc les grands savants, etc., il dit que c'est des roulettes, c'est la preuve que c'est un ignorant. C'est un ignorant. Parce que celui qui ne respecte pas les gens de science, les héritiers, donc des prophètes, celui-là, yani, subhanallah, la khaira fi hada. Hein? Celui-là, donc, vraiment, c'est un homme très égaré. Très bien. Donc là, ou bien, donc, il a un bien minime, très minime, parce que c'est un grand innovateur, vraiment. Là, le cheikh, après avoir cité ce athar de Ibn Omar, hein, il a dit, et il les a même détractés d'une manière sévère en disant, les Qadaris sont les Mazdéens de cette communauté. S'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite. Et s'ils meurent, n'assistez pas à leur enterrement. Hein? Plus que ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit, ils ont deux divinités. C'est pour signifier qu'ils ont deux divinités. Parce qu'ils pensent que donc, c'est l'être humain qui crée son destin. Donc l'être humain, c'est un créateur dans ce cas. Hein? Ils ont dit que Allah ne crée pas afa'al l'ibad. Hein? Ils ont dit que les ibad, c'est eux qui font les choses et après Allah les connaît. Donc il y a deux divinités dans la terre. Il a dit, regardez là, comment on la remarque, elle est très pointue. Il a dit, Al-Qadariya majousu hadi l'umma. In maridu fala ta'uduhum. D'accord? Vous regardez, ça c'est dur. Hein? Est-ce qu'il va dire ça c'est relou sur le jarh ou ta'dil de ce Mohamed Hassan? Est-ce qu'il va dire ça c'est relou sur le jarh ou ta'dil? Il dit, s'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite. S'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite parce que c'est des koufars, c'est des masdéens. Mais juste, ils prétendent qu'il y a deux divinités sur terre. Quelles sont ces divinités? Ils disent qu'il y a la divinité qui est Allah, et ils disent que l'être humain, il crée ses propres actions, et que Allah, il ne les connaît qu'après. Ça, c'est il y a deux divinités donc. Et majus wa al-umma, in maridu fala ta'uduhum, wa in matu fala tahduru janaizahum. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? C'est-à-dire que c'est des majus qui prétendent deux divinités. D'accord? Mais cela n'exclut pas que donc nous on visite même le kafir pour lorsqu'il est malade pour comme avait fait le prophète alayhi salam dans le hadith du le fils du juif, hein, on le visite pour da'wa ilallah, pour lui montrer la vérité. Peut-être que vous allez le sauver. Donc c'est dans ce sens que Cheikh Fawzan même, il a visité de grands innovateurs à notre époque lorsqu'ils sont tombés malades. Un grand innovateur qui s'appelle Salman Al-Ouda, ou la A'il Qarni, hein, ou bien donc c'est A'il Qarni plutôt. Lorsqu'il est tombé malade et il était peut-être qu'il allait mourir, Cheikh Fawzan il l'a visité. Et lorsque Cheikh Fawzan il a été interviewé, il a dit c'est pour leur dispenser le conseil. C'est pour sauver cet homme de ses égarements. C'est pour, peut-être qu'il va se rétracter. Hein. Cheikh Fawzan il a dit c'est pour leur dispenser le conseil. Est-ce que vous ne savez pas le hadith, le prophète il a visité même quelqu'un qui était un juif. Hein. Il a visité aussi son oncle lorsqu'il était donc sur donc les moments donc de l'agonie. Hein. Donc là, c'est avec cela, avec ce. Mais le donc Ibn Omar lorsqu'il a dit cette chose, c'est pour hein, donc éloigner les musulmans de ces gens. Hein. Il est donc hada mahmoulun ala tahdir. Il était en train de leur dire s'il tombe malade, ne les visitez pas. Laissez-le, c'est un malade donc hein. Et s'il meurt, bien sûr, le musulman, il ne va pas dans des, hein, donc, les funérailles des mécréants. Là, c'est un mécréant, on ne va pas dans ses funérailles. On ne va pas dans ses funérailles, hein, et on ne souhaite pas pour lui la miséricorde. On n'implore pas la miséricorde pour lui, puisque lui, il est, s'il meurt sur la mécréance, hein, il n'y aura pas de miséricorde pour lui. On ne va pas contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc là, il a dit ces choses. Et c'est rapporté, hein, il fut rapporté comme étant mawquf, hein, c'est-à-dire que c'est la parole du compagnon. Et comme étant marfou jusqu'au prophète. Cette parole, hein, le qadariyya majous sur hadith l'umma, c'est dans une riwaya, c'est rapporté comme étant la parole du messager, alayhi wa sallam. Le qadariyya majous sur hadith l'umma. D'accord? C'est rapporté une fois comme étant mawquf à la sahabi. C'est dans une chaîne de transmission, c'est la parole d'Ibn Omar. Et dans une chaîne de transmission, c'est la parole jusqu'au messager, alayhi wa sallam. Hein? Marfou' ila nabi, alayhi wa sallam. Et Ibn Abi Asim a recueilli dans As-Sunnah, dans son livre As-Sunnah, hein, d'après Saïd ibn Juhman, qui dit, je suis rentré chez Ibn Abi Awfa, hein, lorsque sa vue était obstruée, la mahujiba basaro, lorsqu'il ne voyait pas. Hein, je l'ai salué, il me rendit la salutation, et il dit, qui est-ce? Hein, parce qu'il n'avait plus la vue, il a dit, qui est-ce? Hein, j'ai dit, je suis Saïd ibn Juhman. Hein, il demanda, qu'avait fait ton père? Et qu'avait fait ton père? J'ai répondu, les Azariqa l'ont tué. Les Khawarij, un type de Khawarij qui s'appelle les Azariqa. Hein, parce qu'il y a les Azariqa, il y a les Haruriya. Il y avait donc plusieurs, hein, plusieurs clans de Khawarij. D'accord? Il y a Najdès, Khawarij Najdès. C'est d'après leur chef. Al-Azariqa, Najdès, c'est d'après leur chef qui s'appelait comme cela. Alors que le Haruriya, c'est dans la région de Harura. D'accord? Il a dit, les Azariqa l'ont tué. Les Azariqa ont tué son père. Hmm? Et il commenta, hein, c'est-à-dire ce savant qui est Ibn Abi Awfa. Hein, il commenta, qu'est-ce qu'il a dit à cet enfant? Qu'Allah tue tous les Azariqa. Qatalallahu al-Azariqa takullaha. Qu'Allah tue tous les Azariqa. Hein? Ensuite, il poursuivit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Parce que lorsqu'il a dit cette chose, c'est pas de lui-même qu'il va faire cette invocation que Allah tue tous les Azariqa. Tous les Azariqa. Hein? Non, c'est parce qu'il a une preuve. Il a cité la preuve. Qu'est-ce que le prophète il a dit, hein? Traduction rapprochée du sens de ce qu'il a dit. Certes, ils sont les chiens des gens du feu. Innahum kilabu ahlinnar. Les khawarij sont les chiens des gens du feu. D'accord? Kilabu ahlinnar. Il dit, cet enfant, hein? Ce fils, hein? C'est-à-dire dont le père il a été tué. J'ai dit, hein? Tous les azariqa ou les khawarij? Il dit tous les khawarij. C'est-à-dire tout ce qui rentre dans les khawarij, les azariqa, les najdat, les haruriya et ainsi de suite. Hein? J'ai dit tous les azariqa ou les khawarij? Il a dit tous les khawarij, qu'Allah tue tous les khawarij. Hein? Et nous on dit de même. Hein? N'est-ce pas les frères qu'on dit de même? Qatalallahu, hein? Al-khawarij kullaha, al-dawa'ish wa ghayraha. Hein? Subhanallah. Très bien. Et Ibn Abi Asim a recueilli dans un sunna, d'après Uqba ibn Wasaj, qu'il interrogea Ibn Amr, hein, au sujet de gens en Irak qui détractent leurs émirs, leurs émirs, c'est-à-dire qu'ils sont des khawarij, ils détractent leurs émirs. Eux, ils ne sont jamais satisfaits de personne. Ils ne voient pas que tel est un homme, puisqu'il est musulman, ça y est, toi, tu entends et tu obéis dans le bien, dans le ma'rouf, dans le convenable. Et lorsqu'il y a une erreur, un péché, etc., toi, tu fais le conseil à la umma, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les choses... Et tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que ces choses changent. Et donc il a donc été informé sur des gens qui détractent leur émir et témoignent qu'ils seraient égarés. Hein? Il dit alors, en les critiquant virulement, hein, que la malédiction d'Allah, des anges et de tous les anges soit sur eux. Alayhim la'natullahi wal malaika wal nasi ajma'in. Regardez, hein? Et ils disent le relou fil jarh. Regardez ce que disaient les sahaba. Regardez ce que disaient les sahaba. Il a dit la'natullahi alayhim wal malaika wal nasi ajma'in. Hein? Puisqu'ils ont fait cette bid'a de al-khuruj, ils sont en train de médire leur émir, hein? Sultanahum, hakimahum al-muslim, ils ne sont pas satisfaits, ils sont en train de parler comme des khawarij. Lui, il a fait cette parole, il a dit cette parole. Hein? Très bien. Et quand il fut mentionné à Ibn Abbas ce qui arrive aux khawarij lors de la récitation du Coran, il dit, il croit en ce qui en est clair, muhkam. Il a dit de khawarij qu'il croit en al-muhkam du Coran. Il croit en ce qu'il y a dans le Coran comme muhkam. Hein? Et il s'égare, les khawarij s'égarent en ce qui est ambivalent, mutashabih, parce que le Coran, il compte une partie. Donc des versets qui sont muhkam, hein, c'est-à-dire ils sont clairs pour tout le monde. Hein? Et il y a le mutashabih qu'on doit rendre aux gens de science, ils nous l'expliquent. Hein? Pour les gens de science, tout est clair. Hein? D'accord. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient en le muhkam. Et il donc s'égare dans le mutashabih. C'est pourquoi donc il a dit ma li ha'ula'i yafruquna 'inda mutashabihi wa yu'minuna 'inda muhkamihi, comme il a dit Ibn Abbas. Il a dit yu'minuna 'inda al-muhkam et faraquhum, ils sont en train donc de vraiment de donc d'avoir des confusions lorsqu'il s'agit donc d'un verset mutashabih. Hein? C'est pourquoi ils ont eu donc des ambiguïtés sur le verset de Maïda. Ils ont eu des ambiguïtés, ils n'ont pas rendu aux compagnons. Le compagnon Ibn Abbas, il a expliqué, il a dit que ce verset il concerne les gens du livre, il a dit que ce verset donc laïs bil kufr ladhi tadhabuna ilayhi, il a dit donc des choses, hein, il a dit des paroles qui expliquent, qui montrent aux gens, mais eux ils ne veulent pas comprendre, d'accord. Wallah al-musta'an. Donc il a dit cette parole et il lit le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. D'accord. Ce verset il a été lu dans deux lectures, قِرَاءَتَيْن صَحِيحَتَيْن ثَابِتَتَيْن, c'est-à-dire deux lectures qui sont authentiques dans le Coran Karim. On lit comme ça et on lit comme ça, les deux versets, les deux lectures sont authentiques. وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Nul ne le connaît, sauf Allah. Nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons. Surat Ali Imran, le verset numéro 7. Et il a été aussi dans l'autre lecture, وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Un point, يَقُولُنَ آمَنَّا بِهِ. Il y a waqf, il y a يَقُولُنَ آمَنَّا بِهِ. Et non qu'on ait l'interprétation que Allah et les enracinés dans la science. Donc, parce que les savants, ils connaissent le sens du Coran, tout le Coran. Tout le Coran, il est connu par les gens de science. Ne pensez pas qu'il y a donc dans le Coran des choses que les savants même ne connaissent pas, non. Coran Karim, anzal Allah azza wa jalla hudan lil alamin. Il l'a révélé. Donc les gens de science, ils le connaissent, ils l'expliquent aux gens. Hein? D'accord. Et donc on connaît l'interprétation, qu'Allah et les gens de science Et après cela, on dit aussi, hein, et ces gens de science disent, nous y croyons, hein, nous croyons en ce Coran. D'accord? Mais la mutawilahu, ou donc c'est seulement Allah qui connaît son interprétation, c'est-à-dire dans le sens de comment donc les choses auront lieu dans l'autre vie. Hein? Ta'wilu shay, mais ya'ulu ilay. C'est-à-dire là le devenir de la chose, hein? Parce que nous on ne connaît pas vraiment comment est le Jannah réellement, comment elle est. Nous on connaît dans les sens qui nous ont été rapportés, hein? Hein? Mais le Jannah haqiqatan, nous on l'a pas vu, mais on y croit, hein? Mais on y croit. Très bien. Donc là, après cela, le cheikh l'a cité, il a dit, les Khawarij et les Qadarit étaient les premières sectes s'étant écartées du sentier des compagnons. Les Khawarij et les Qadarit, rappelez-vous donc de ces bidats qui vont commencer à apparaître. D'accord? Les Khawarij et les Qadarit étaient les premières sectes s'étant écartées du sens, hein, ou bien du sentier des compagnons. Et telle était la position de ces derniers à leur encontre. Regardez comment les compagnons ils ont fait face. Hein, regardez les paroles qu'on a vues avec Ibn Omar, avec Ali ibn Abi Talib, avec Ibn Abbas. Hein, et qu'est-ce que les gens de science ils ont dit. Hein? D'accord? Et telle était la position de ces derniers, c'est-à-dire des compagnons à leur égard. Ils ont mis en garde contre eux, avec ces termes durs dans la critique. Les compagnons ont même eu recours à la force du gouverneur pour réprimer les gens d'innovation. Hein? Omar, qu'Allah l'agréé, frappa Sabir ibn Asl. Omar, il frappa lui-même, de sa main, il a frappé quelqu'un qui a commis des erreurs. Hein? Omar lui-même a frappé Sabir ibn Asl, hein? Qui poursuivait les versets ambivalents du Coran. Donc il allait susciter des ambiguïtés chez les gens. Qu'il allait s'assabir ibn Asl le Coran. Hein? Omar l'a fait venir et il l'a frappé. Hein? Ali brûla les hérétiques, hein? Ayant dit, hein, tu es notre Seigneur. As-Saba'iyya, les premiers chiites, lorsqu'ils ont dit, toi tu es notre divinité, à Ali. Maintenant, Bachar, c'est parmi ces chiites qui disent que Ali est une divinité, et que Fatima est une divinité, et que Al-Hussein est une divinité. Bachar, hein, donc c'est à vous de vérifier et de chercher à gauche et à droite cela. Bachar, il a telle chose. C'est-à-dire il croit que Ali c'est une divinité, ce n'est pas un homme. Bachar al-Assad qui est en Syrie. D'accord. Donc là, Yanni, regardez l'égarement. Regardez cette croyance. Comme les autres, les chrétiens et ainsi de suite, ils pensent que Jésus c'est une divinité. Ils ont un égarement. Un grand égarement, une mécréance. Hein, une mécréance, ils ont pensé que ça, c'est une divinité. Et les choses que j'ai remarquées dernièrement, c'est qu'il y a une tombe qu'ils prétendent, c'est là où est enterré Jésus, alors que Jésus, il a été élevé au ciel. Ils prétendent qu'il y a une tombe, et quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a commencé? Il a dit la chose qui m'a beaucoup... Donc, il a dit, c'est lui qui dit cette chose. La chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que Dieu, il est enterré, il va ressusciter. Hein? Regardez cette ignorance. Il a dit, Dieu, il est enterré, il va ressusciter. Donc, ils ne comprennent pas que veut dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta'allah ma yaquluna uluwan kabir. Donc, ils ont imputé à Allah Sharif, et par la suite, ils ont prétendu que ça, c'est... Il était mort, et ils l'ont enterré, il va ressusciter. Hein? Qatalahumullah. Très bien. Donc là, le shaykh, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a rapporté que Ali, il a brûlé les hérétiques. Al-Mariqa, et donc le Saba'iyya, il brûlait les hérétiques ayant dit tu es notre Seigneur, notre Créateur, notre Pourvoyeur. Regardez cette fitna. Et Ali, amhalahum thalath ayyam, il venait et il leur donnait, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ultimatum à notre époque. Ils disent je vais vous donner jusqu'à 3 jours pour revenir de cet avis. Eux, ils n'ont pas voulu délaisser cette parole parce qu'ils voulaient propager la mécréance dans les rangs des musulmans. Ils voulaient propager cela. Ils ont dit, hein, tu es notre Seigneur, Créateur et Pourvoyeur. Et lorsqu'il les a brûlés, ils ont dit, oui, c'est, donc tu nous brûles parce que tu es notre divinité. Qatalahumullah. Hein? D'accord? Et c'est rapporté ici, cette parole qu'ils ont dite, donc tu es notre Seigneur, Créateur et Pourvoyeur, c'est rapporté dans Al-Fath, hein, dans Al-Fath al-Bari, hein, le volume numéro 12, page 270. Et Ali qu'Allah l'agrée a combattu les Khawarij ayant comme l'innovation de l'excès de statuer qu'un tel serait mécréant. Ladina waqa'u fil ghulou fil takfir. Hein? D'accord, il les a combattus. D'accord. Il en tua un grand nombre et cela fait partie de. Et est-ce que cela fait partie de l'excès dans la critique? Il les a tués. Hein? Cheikh Rabi' et Cheikh Mokwil n'ont pas tué ces innovateurs. Ils n'ont pas donc participé dans une armée contre eux. Si le gouverneur il va combattre les innovateurs, nous serons avec lui. Les gens de la Sunna seront avec lui. Hein? Lorsque le roi Salman il combat les Houthis, les gens de la Sunna sont avec lui, avec Doua, et ceux qui sont là-bas, ils sont donc en train de participer. D'accord? Donc lorsqu'il y a un combat contre les gens d'innovation, c'est que les Houthis ou autres, donc on les combat. Donc là, il en tua, il en tua un grand nombre. Hein? Et le Cheikh Abu Abd A'la pose la question. Est-ce que cela fait partie de l'excès dans la critique au auteur de Risala ila Rulati Tajriya, hein? Une épître aux excessifs dans la critique. D'accord, donc nous on va nous arrêter ici. Walhamdulillahi rabbil alamin.